divin amour. C'est ce que tu es venu amener dans notre vie. C'est pourquoi nous te célébrons, toi qui es venu amener ce divin amour dans notre vie. Alléluia. Sois exalté, notre roi. Sois exalté, notre Dieu. La vie est magnifique avec toi. Divin amour, le pilier de notre vie. Alléluia, Jésus-Christ. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi viennent remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Se noie dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal, dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Reçois notre déclaration d'amour en ce jour. Alléluia. Car tu es l'amour de notre vie. C'est celui qui nous comprend le mieux. C'est celui qui est venu nous témoigner cet amour si merveilleux. Alléluia. L'arbre de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour moi. Portez les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges. Et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet. Let's go.